Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf le 13 février 1939, je suis né à Val-d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avions connu Ernest Turcotte qui vivait en de beaux moirons, qui parlait aux ombres et aux tons, qui chaque matin chaussait ses bottes pour aller comme petit Joe et père fendre la forêt avec ses nerfs. Qui avait pas de chainsaw, qui avait haché boxa, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aube, pis du front tout le tour de la tête, pis qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui est de lac Bérard. Moi je viens d'un pays où ce que le poisson mord. Quand j'étais petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les boulots. J'aimions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais petit, je suivions le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière Harmonica. Je regardais en passer les gros chars dans ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige, je creusais maison. Puis dans la glace, j'écrivais ton nom. Puis l'hiver à l'aréna, on patinait tout en tas. L'été près du lac Bluware, on faisions semblant de rien. On ramassait les belvères qu'on vendait pour presque rien. En 1900 quelque en Abitibi, dans mon pays. Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui a un ventre en or. Moi je viens d'un pays où ce qui neige encore. Dans mon pays qu'on dit hors de la carte, mon oncle Edmond travailla sous la terre, mais il creusait dans l'or sa propre mort. Mon oncle Edmond nous a mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi par à côte au premier temps, on y gagne beaucoup d'argent, y a de l'or en bord qui dort ici, y a même des poignées de porte en or, en cuivre, en fer qui vont de l'autre bord. J'aimions jouer dans la fanfare pour épater toutes les pétards. Quand j'allions au château et me voir rire avec mes piastres, je revenions comptant les astros. Si matin près de la mine, en 1900 tout en Abitibi, dans mon pays.